Chapitre 14e. Grâce au facteur Tournière, la mort du couple Bréau s'est répandue comme une traînée de poudre dans le village. Bien évidemment, l'affaire prend de l'ampleur au fur et à mesure qu'elle fait du chemin. Les récits s'émaillent de termes évocateurs, boucherie, mare de sang, sauvagerie, etc. Personne n'oublie le mot de billet posé sur la table qui suscite force questions. Qui l'a écrit? Quand? Pourquoi? Bref, il devient de plus en plus évident pour le cul-dame que l'affaire ne s'est pas passée comme on pourrait le croire à première vue. Le soir, sur le trottoir, devant les portes des maisons, ce nouveau drame alimente les conversations. « Oh, Loul, tu trouves pas qu'on commence à mourir un peu trop dans ce patelin ?»« Moi, je me demande si je ne vais pas aller chez ma sœur à Pélissane. Mes gosses commencent à avoir peur et pour ma femme, c'est pas bon pour son lait. »« Heureusement que les chèvres ne comprennent rien, car on pourrait plus faire de fromage alors. »« C'est pas marrant, couillon. » « Toi, tu trouves toujours à te marrer de tout. »« Et qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse ? On ne va tout de même pas se faire une gueule d'empeigne, non ? Ce matin, je suis été à la mairie et je suis tombé sur le maître d'école. Il m'a bien expliqué la nouvelle réglementation sur les semailles. Il est gentil, dans le fond. »« Tu croyais, toi, que la mère Bréau serait capable d'assassiner son mari ?» ?»« Jamais un mot plus haut que l'autre, celle-là. Elle était secrète comme une chatte. »« Secrète, tu peux le dire, car elle cachait bien son jeu. »« Tu sais, on dit toujours qu'il faut se méfier de l'eau qui dort. » En tout cas, excuse-moi, mais son mari, c'est pas une bien grande perte. Il n'avait pas inventé l'eau chaude, mais le pastis, peut-être. Qu'est-ce qu'elle avait été foutre avec une broque pareille ? Les premiers journalistes débarquent comme des mouches sur un gâteau, et dès le lendemain, les unes des quotidiens s'enflamment. Le crime de Lambesc dame le pion aux festivités du 14 juillet. Le petit Marseillais titre. La pendue de Lambesc a-t-elle réellement assassiné son mari ? Le petit Provençal se fait sobre. Semaine noire à Lambesc, encore de morts suspectes. Marseille Matin est plus accrocheur. Les époux infernaux de Lambesc s'entretuent, une affaire macabre. Cette publicité échauffe les esprits et braque les projecteurs de l'actualité sur Trinquier qui, le pauvre, n'en demandait pas tant. Dès la parution des journaux, coup de téléphone du juge Moretti. Trinquier, vous avez eu les journaux? On est dans la mouise, mon cher. Le procureur m'a passé un savon de première. Si vous ne trouvez pas quelque chose dans la semaine qui vient, le parquet va remettre l'affaire dans les mains de la police judiciaire de Marseille. J'ai besoin d'éléments pour commencer réellement mon instruction. Profitez du 14 juillet pour réfléchir. Trinquier a gagné son pari. Moretti a dit presque mot pour mot ce qu'il s'attendait à entendre. Tout se brouille dans la tête du chef. La tension l'empêche de réfléchir et pourtant, il a quelquefois des connexions neuroniques qui lui font entrevoir la vérité. Mais il n'arrive pas à les retenir, ni à les remettre en marche. Il sait que la vérité lui crève les yeux. Il la porte en lui, mais il ne la voit pas. Il se rend à la mairie pour prévenir le maire et son secrétaire de se montrer très prudent et de ne répondre à aucune interview concernant les morts récentes. « Brossard, ce boulot de secrétaire vous va tout de même mieux que celui de bûcheron ?»« On ne m'a même pas demandé mon avis pour aller l'exercer au bagne, » répond ironiquement Adrien. « Quand allez-vous pouvoir reprendre l'école ?»« Je ne sais pas si ça sera possible à la rentrée scolaire. » Peut-être après les vacances de Noël, et encore. Trinquet continue, un ton plus bas. Brossard, vous connaissez la vie et vous êtes intelligent. De plus, vous savez comment les choses se passent dans le village. J'ai besoin de vous, Brossard. Je nage complètement et pourtant, je ne suis pas loin de la vérité, je le sens. Vous voulez bien m'aider, dites. Vous avez peur que les journalistes vous coiffent sur le poteau? Les baveux, je m'en fous. Ce qui m'inquiète, c'est le parquet. Alors, on refait ami. J'ai toujours eu de l'estime pour vous, vous le savez. Adrien dévisage Trinquier. Il sait combien il est parfois difficile de faire son métier. Ses convictions et son éducation le poussent à venir en aide aux gendarmes, si toutefois c'est possible, car à brûle-pourpoint, il ne voit pas comment résoudre l'affaire. Je passerai ce soir chez vous à la gendarmerie et nous réfléchirons ensemble, dit Brossard en serrant la main du chef. Ce qui s'est passé le mercredi 7 juillet, jour de la mort de Marcel. À la ferme des Agnelles, Marcel est parti ouvrir la vanne pour irriguer les potagers. Comme à son habitude, il a oublié l'outil que Maxime a fait fabriquer exprès par le forgeron. D'un côté, il y a un crochet pour pouvoir attraper la poignée de la vanne, et de l'autre, un méplat comportant une encoche qui permet d'appuyer sur la poignée pour descendre la vanne. Il doit rester là-bas un quart d'heure, ce qui est suffisant pour remplir les rigoles des deux potagers. Voilà 25 minutes qu'il est parti, et l'eau coule toujours, menaçant de tout inonder. « Nom de Dieu, mais qu'est-ce qu'il fout, ce con ?» Maxime prend donc le crochet et court en direction de la vanne. Arrivé sur les lieux, il aperçoit son frère à plat ventre sur le sol, le torse au-dessus de la vanne et essayant de la descendre à la main. Près de lui, une bouteille de blanc à moitié vide lui tient compagnie. Le long du canal, une végétation de genêts et de petits chênes profite de l'humidité qui suinte à travers les jointures de ciment. Aucun des frères n'a remarqué que quelqu'un était caché derrière un chêne kermesse touffu. Deux yeux fiévreux observent la scène. « Le salaud, il fait n'importe quoi, comme d'habitude !» murmure Maxime. Marcel ne l'a pas entendu venir. « Saloperie de vanne, tu vas descendre, dis ?» marmonne-t-il en poussant la poignée. Tout à coup, Maxime éprouve une pulsion soudaine et irrépressible. Son cœur accélère son rythme à tout rompre. Rien à l'horizon, aucun bruit indiquant une présence, à part le grésillement énervant des cigales dans un pin. « Salaud, tu veux payer pour Camille ?» Il empoigne les cheveux de son frère et pousse violemment le corps vers l'avant. Le torse de Marcel bascule tête première dans le goulet sans qu'il ait le temps de déployer ses bras pour se retenir ni pousser un cri. Maxime maintient fermement les jambes vers le bas. Marcel secoue frénétiquement ses jambes et élimine son pantalon qui frotte sur le bord de la margelle en cherchant désespérément de l'air. Maxime est secoué comme un prunier mais tient bon. Peu à peu les jambes de Marcel s'amollissent, Maxime les repose sur le sol. C'est fini. Il ressent une fatigue intense. Son cœur bat la chamade. Ses oreilles sifflent affreusement. Il se réveille d'un cauchemar. Mais non, il ne peut revenir en arrière. C'est fait, il l'a fait, il a tenu sa promesse, il a vengé Camille. Derrière lui, une ombre s'éclipse dans la haie sans faire de bruit. Maxime retourne à la ferme et sur le chemin essaie de reprendre ses esprits. Il ressent un grand vide. Il vient de perdre son frère et se sent soulagé. Ni peine, ni joie. Simplement le sentiment d'avoir tourné une page qu'il fallait tourner. Au bord de son champ, il reprend sa fourche et continue à désherber les plants de tomates. Cette activité le calme et lui permet de laisser vagabonder son esprit. Il attend quelque chose, mais avec calme et sérénité. Il ne se passera rien. Il vient d'en acquérir la conviction. Vers 11 heures, il aperçoit Milou, son voisin, accourant comme un dératé. Habituellement, Milou ouvre sa vanne tout de suite après eux. Maxime attendait donc qu'il découvre le corps de son frère. De loin, Milou crie « Maxime, Maxime, viens vite, viens vite !» Il s'arrête à une cinquantaine de mètres, essoufflé, attendant que Maxime vienne à sa rencontre. Ce dernier pose tranquillement sa fourche et marche vers Milou. « Dépêche-toi, couillon, ton frère vient de se néguer dans le canal. Je vais prévenir les gendarmes et le docteur, mais je crois qu'il n'y a plus rien à faire. » Maxime emboîte le pas de Milou pour se rendre au bord du canal. Voilà. Tout se passe comme prévu. Sois tranquille, Camille, se dit Maxime. Je ne crains rien. 14 juillet, en fin d'après-midi. Où vas-tu, Adrien, à cette heure ? Demande Mireille. Je vais prendre l'apéritif chez Trinquier. Ouh là là, c'est le grand amour, alors ? Non, madame. Je vais collaborer avec la gendarmerie nationale. On a besoin de mes lumières, figure-toi. Bon, attention à la bouteille, hein ? Je ne boirai que de l'eau, c'est promis, avec de l'anis dedans. Et après, je reviens pour te faire danser. Vers 6 heures du soir, ce mercredi, Brossard se rend donc chez Trinquet, à son logement de fonction de la gendarmerie, cet ancien couvent des Trinitaires. Le chef l'accueille au bout des marches avec un large sourire et la main tendue. C'est gentil à vous d'être venu. Je le fais pour la République et le triomphe de la vérité, s'exclame Brossard en plaisantant. « Maman, de l'anis et des olives, s'il te plaît. » Celle qu'il nomme maman n'est pas sa mère, mais son épouse. Elle décoche un large sourire à Adrien en lui serrant la main. « Quand ça ne va pas fort, monsieur Brossard, je pense à vous et à tout ce que vous avez subi. » Elle a des yeux pétillants qui disent « aimer la vie ». Bon, commence Trinquier. Nous avons 5 morts, la petite Camille, madame Kunz, Marcel Agniel et le couple Bréau. Je prends comme hypothèse que ces 5 morts sont liés étroitement et ne sont pas le fait du hasard. Pour l'institutrice, on sait déjà qu'il ne s'agit pas d'un accident, puisque c'est Marie Bréau elle-même qui l'a écrit dans le billet. Ce qui ne veut pas dire que ce soit bien son mari qui ait assassiné la maîtresse. De toute façon, si le billet en parle, c'est certainement qu'il s'agit d'un meurtre. Bien, jusque-là nous sommes d'accord. Sauf sur un point, dit Brossard. Je crois que la mort de la petite Camille est bien accidentelle et qu'elle n'était pas préméditée. Qui aurait pu vouloir tuer une si jolie fillette ? Il ne faisait de mal à personne. D'accord. Alors c'est l'élément déclencheur ou déclenchant, comme vous voulez. Oui, c'est à cause d'elle que tous les autres ont eu lieu. À Lambesque, d'habitude, on ne meurt pas à tout bout de champ. Oui, pour Marcel Agnel, c'est le cas de le dire. Maintenant, trinqué, il faut trouver le fil rouge, c'est-à-dire ce qui relie ces morts entre eux. Voilà, on est bien sur la même longueur d'onde, il faut trouver l'élément commun. Trinqué se lève et prend un papier et un crayon. Voilà, dans l'ordre chronologique, Camille, dit-il en entourant le nom, jeudi 1er juillet au matin. En dessous, Marceline Kunz, découverte vendredi 2 juillet. Mais morte peut-être, jeudi matin aussi ou mercredi soir, précise Brossard. En dessous, Marcel Agnel, trouvé mercredi 7, noyé. Et enfin, les époux Bréau, découverts lundi d'après, le 12 juillet. Mari et femme. Je prends comme postulat que la mort de Marcel Agnel est un assassinat. D'accord, ça me va, dit Brossard, mais... Adrien prend la feuille de papier où se trouvent les cinq noms entourés. Il trace une flèche qui va de Marceline Kunz à Camille. Kunz à Camille, puis Marcel Agnel à Camille et enfin Étienne Bréau à Kunz. Femme Bréau, trois points d'interrogation. Brossard, vous ne faites pas de flèche de Marcel Agnel aux parents Bréau? Il n'y a donc aucune relation? Je pense qu'il n'y a pas de relation meurtrière. Il n'y en a pas non plus entre la maîtresse et Marcel. Pourtant, ces morts découlent bien de celles de Camille. Je ne comprends pas très bien ce que veulent dire vos flèches. La maîtresse est morte à cause de Camille. Marcel a été assassiné aussi à cause de Camille. Quant à Étienne Bréau, il est mort parce qu'il avait assassiné la maîtresse. Enfin, c'est ce que je pense. Mais Étienne Bréau n'a pas été tué par sa femme? Je ne crois pas. N'oublie pas le billet. Cette femme m'a voulu envoyer un dernier message de détresse en faisant exprès des fautes d'orthographe. Par conséquent, elle aussi a été assassinée. Il y a de fortes chances. À la vôtre, trinqué. Brossard boit une gorgée d'anis en faisant claquer sa langue. Comme les morts du mari et de la femme sont concomitants, l'assassin doit être le même, dit Trinqué. Tenez, prenez des olives. On a trouvé des liens, mais pas le fil rouge, l'élément extérieur commun. Moi, je le connais, le lien commun, c'est Maxime Agnel. Maxime Agnel, grommelle Trinqué. Oui, pourquoi pas. Brossard reprend le papier et écrit Maxime à l'écart des cinq noms. Il a tué son frère, Flèche, parce qu'il avait touché Camille. Il a tué Bréau, Flèche, parce qu'il avait poussé Marceline dans les escaliers. Camille et Marceline étaient les deux êtres qu'il aimait. Je comprends bien, mais je ne trouve pas le mobile d'Étienne Bréau. Pourquoi tuer la maîtresse? Elle était gentille avec la gosse. Oui, mais souvenez-vous de ce que vous a dit Maxime. La maîtresse et lui savaient que les parents battaient la gamine et que son père la tripotait. Ils étaient décidés à intenter une action contre ses sévices. La veille de la mort de Madame Kunz, les parents vont la voir parce que la maîtresse a décidé de passer à l'action. Le ton monte dans la conversation, dispute, Étienne Bréau pousse la maîtresse qui déballe les escaliers et ban. Et voilà, s'écrie Trinqué. Et Maxime tue Étienne Bréau pour venger la mort de Marceline, son amour. Et voilà. À la vôtre, Trinqué. Trinqué choque son verre contre celui d'Adrien et boit une gorgée avec le sourire. Quant à la femme Bréau, c'est un témoin gênant. « Alors Maxime la tue, » affirme le gendarme. « Il maquille son crime en suicide, » dit Adrien. Dans un dernier sursaut, elle essaie de laisser un indice qui fera comprendre qu'elle ne s'est pas suicidée, mais qu'elle était pendue par l'assassin. Il faut reconnaître qu'il est drôlement fort, le Maxime, car la hauteur à laquelle était pendu le corps et la place de la chaise concordaient bien. « Oh oui, je l'ai eu comme élève, il est très intelligent. » Je serais pourtant étonné qu'il ait tué son frère, car il avait une certaine idée de la famille. D'un autre côté, son frère était un emmerdeur né. Quand il était petit, il allait débaucher les autres gamins pour les tourmenter Maxime. « Le fil rouge, c'est Maxime !» triomphe Trinqué. Il y a quand même un détail qui me chiffonne dans ce raisonnement. Marie Bréau a dû écrire le billet sous la dictée de Maxime. Comment se fait-il qu'il n'ait pas remarqué les fautes d'orthographe, lui qui a un bon bagage? Il lui a peut-être demandé de recommencer et il n'a pas voulu. Ou alors il a été pris par le temps, avance Trinqué. Il est bizarre aussi qu'il soit parti sans fermer la porte. C'est vrai, mais comme je le dis, il n'avait peut-être pas le temps ou bien il était un peu dépassé par les événements. C'est possible, c'est possible, murmure Adrien d'un ton dubitatif. Mais ça a dû faire du bruit tout ça. Et puis Marie Bréau a été bien passive, voire consentante, qui sait. De toute façon, il n'y a aucune preuve et seuls des aveux pourraient faire condamner Maxime. Seulement voilà, c'est un coriace, aussi coriace que le père Brossard, dit le chef en souriant. Mais moi, je n'avais rien avoué. Je vous le fais remarquer. Oui, c'est vrai. Allez, encore une petite goutte. Le chef resserre les deux verres. Au dehors, la paix du soir baigne le village, avec la fraîcheur qui tombe. On respire mieux, on fait des projets pour le lendemain. Adrien, vous permettez que je vous appelle Adrien? Bien sûr, Jules. Adrien, j'ai encore quelque chose à vous demander. Voilà, vous connaissez bien Maxime. Est-ce que vous accepteriez de le faire parler, pour lui conseiller d'avouer, par exemple? J'ai peur qu'avec moi, il se braque. Vous rendez compte de ce que vous me demandez? Je lui conseillerais de venir vous voir, mais en aucun cas je ne vous rapporterai ses aveux. Je ne suis pas un donneur. Au fait, Brossard, j'ai quelque chose d'important à vous raconter. Trinquet pose sur la table la photo qu'il a prise chez les Bréaux, ainsi que le livret de famille. Regardez ces photos. Brossard examine le cliché et lit ce qui est écrit au dos. Mais c'est un petit garçon, il me semble. Lisez maintenant le livret de famille. Adrien parcourt les pages du livret avec attention. Camille avait donc un grand frère qui est mort à l'âge de 3 ans, et les parents ont donné à la fille le même prénom qu'au fils. Eh oui, vous vous rendez compte? Et comment est mort cet enfant? Une voisine des Bréaux m'a dit que Marie avait une lointaine cousine à Saint-Cana, et à cette époque les Bréaux y habitaient. Je suis donc allé rendre visite à cette cousine et je l'ai interrogée. C'est elle qui m'a dévoilé la vérité. Officiellement, l'enfant est mort en tombant dans l'escalier. Mais en réalité, c'est son père qui l'a tué par accident. Il avait un coup dans le nez et il a jeté son fils en l'air pour l'amuser, comme il le faisait souvent. Malheureusement, quand le gamin est redescendu, le père l'a raté, sot qu'il était. La mère Bréau a entamé une longue déprime qui a pris fin quand elle a été enceinte de Camille, la fille. Mais je ne sais pas finalement si elle s'est bien remise de cette perte. Et il n'est pas certain non plus que cette fille soit du père Bréau. Mon Dieu, quelle tristesse !